La galerie Est, à 20 minutes de Wish City. On va s'écraser d'abord, et ensuite on va tomber. Tu m'aides pas beaucoup, là. Peut-être était-ce une idée stupide que d'avoir tant voulu retourner à la galerie Est. Nous, les Baef Wish, soit nous creusons, soit nous bâtissons. Mais en aucun cas, nous ne sommes curieux, point. Mais hier, un pan du grand plafond s'était effondré, découvrant un plafond plus grand encore, plus haut encore, plus beau, et parsemé de multiples torches brillantes. Ce soir-là, je voulais tellement en savoir plus, tellement savoir s'il existait un autre monde que celui des Baef Wish, que celui des gnomes des profondeurs qui creusent et bâtissent sans cesse. Les freins de notre chariot avaient cédé. Nous foncions droit sur l'amas de roches qui avait servi à sceller la galerie Est. Notre grand dirigeant ne désirait pas que la galerie Est soit de nouveau visitée. Freine ! Freine ! Ne fais que ça ! Oui, mais comme t'es petit, tu freines pas fort ! Ah, parce que toi qui es gros, tu vas freiner mieux peut-être ! Et tu freines avec une pioche aussi ! Oui, mais les freins marchent plus, mon gros ! Je suis pas gros ! Va te faire foutre ! Non, je décrotte ! Le mur approchait. Nous approchions du mur. Et il ne restait plus grand-chose de la pioche qui nous servait de frein. Rares étaient les avaries sur les chariots. Mais elles existaient. Bien sûr, c'était pour notre pomme. Nous approchions du mur. On a de la chance, non ? Ouais, c'est fort possible. Le chariot s'était arrêté à quelques centimètres du mur. À quelques centimètres d'une mort assurée. Nous descendîmes fébrilement du chariot. Devant nous, des pierres s'amoncelaient pour boucher l'entrée de la galerie Est. Bon, on y est ! Ouais. Comment on fait pour entrer maintenant ? Là, je te l'avais dit. Ils ont pas encore tout bouché. Il y a assez de place pour qu'on rentre. Aide-moi à monter. J'ai montré à Bouze une petite cavité en haut à gauche. Il n'avait pas eu le temps de boucher toute l'entrée. C'était bien le moment ou jamais. Bouze me fit la courte échelle. En quelques minutes, nous étions passés de l'autre côté dans la galerie Est. C'est pas possible. Alors, tu regrettes d'être venu ? Devant nous, alors que la galerie entière aurait dû être plongée dans le noir total, les machines, les baraques, les échafaudages étaient baignés d'une lumière étrange. D'une lumière qui provenait du trou béant dans le grand plafond. Une lumière pâle, bleutée. Une lumière qui ne venait aucunement des torches. Oh ! Des compatriotes, que viennent-ils faire ici dans la galerie Est ? Que viennent-ils faire ici dans la galerie Est ? Nous avons sursauté, surpris. Sortant de l'ombre, une silhouette étrange, légèrement plus grande que Bouze, contournait un tractopelle en boitant. Vous êtes qui, vous ? Qui nous sommes ? En 3 minutes, devinez qui nous sommes, qui nous sommes. Qui tu es ? Toi, qui tu es ? Moi, je suis beau. Ta gueule, t'es moche ! Et toi, tu pues de la gueule ! Il n'y avait pas qu'une voix, non ? Mais où étaient les deux autres ? Bouze se serrait contre moi. T'as peur ? Non ! Et toi ? Non, jamais peur, toujours courageux. Ils sont combien dans sa tête à lui ? Bien sommes-nous. La silhouette s'approchait du cercle de lumière qui pénétrait par le plafond. Oui, combien sont les pères des Baef Wish ? Les pères ? Les pères des gnomes ? Ces ermites dont on entendait parler étant petit ? Ces exclus de la société Baef Wish qui prétendaient lire l'avenir dans la bière de roche ? Ces ivrognes ? Ils ne servaient qu'à faire peur aux enfants des croque-mitaines en somme. Nous. La silhouette entrait dans le cercle de lumière. Nous sommes... 3. Oh ah ! Putain, la vache de Vérole, comment... Comment faisons-nous pour nous brosser les dents, une tête après l'autre, mon jeune ami ? What the fuck, il y a 3 têtes ! 3 têtes de Baef Wish pour un seul corps de Baef Wish, ainsi à moi. Nous sommes les pères sévères. Enchanté, jeune agent, nous vous attendions depuis longtemps. Très longtemps.